Exercice 8, page 96. A. Mol. Transformer. Mollement. B. Folle. Transformer. Follement. C. Noble. Transformer. Noblement. D. Forte. Transformer. Fortement. E. Sobre. Transformer. Sobrement. F. Propre. Transformer. Proprement.